Allô, Alex Dorval, du temps d'une pinte, ça va? Ça va bien, toi, Danny? Ça va très bien. Tu t'en viens nous réchauffer le cœur un peu dans ce temps, cette température qui est pas froide, mais qui est très hivernale quand même. Ouais, on est content. On va avoir un Noël en blanc. Puis pour souligner ça, je nous ai amené une petite Hibernus de Charlevoix. On vient de recevoir ça à l'instant même où je partais du temps d'une pinte. Donc, une petite bière, quand on parlait de bière de Noël l'autre fois. Carrément une bière de Noël, ça. Un bon exemple. Puis, ce qui nous amène un petit peu sur le sujet de la chronique cette semaine, les cadeaux. Les idées cadeaux pour génial. Les peu de bière au Québec. J'ai voulu sortir un peu juste de la bouteille ou de la sortie dans un pub. Je vais vous parler aussi des bons livres qui sont sortis soit dernièrement ou dans les dernières années sur la bière. Des références, là. Oui, des bonnes références. Excellent. Alors, vas-y. Ben pour commencer, j'ai un livre de Sylvain Daigneau. Je crois que c'est un historien. Sylvain Daigneau, bachelier en histoire, pratique le journalisme depuis une dizaine d'années, amateur de bonne bière et collectionneur dans l'âme. Donc, lui, Sylvain Daigneau, je crois que ça a été son seul livre sur la bière. C'est un livre, c'est pas tant pour apprendre à connaître beaucoup sur les matières premières, les dégustations. C'est un livre d'histoire, donc qu'est-ce qui s'est passé avec la bière au Québec? Il nous parle de l'époque... OK, c'est au Québec directement. Ouais, carrément. Il nous parle de l'époque où que les gens se faisaient du bouillon. Ils appelaient ça du bouillon. Puis on commençait à épicer ça avec un petit peu toutes les herbes et épices qu'ils trouvaient. Souvent, c'était des épices boréales ou de l'écorce, mm-hmm. des racines qui ont donné naissance à la root beer ou à la bière d'épinette. Donc, c'était des... On voit toute cette histoire-là en un petit condensé d'à peu près... Ça, c'est tout. C'est pas tellement épais, mais ça a l'air bien fait. Il y a des photos aussi, on dirait. Ouais, beaucoup de photos. Ça, c'est cool aussi. Des fois, les gens sont pas nécessairement lecteurs là, pour partir en... Ça, c'est une référence. Tu peux tout le temps feuilleter ça n'importe quand. Là. Ouais, puis les livres que j'ai emmenés, c'est pas mal ça, à part peut-être l'Atlas de la bière de Mario Dar qui... Les autres, tu as beaucoup d'images qui accompagnent. On voit des vieilles bouteilles, on voit les brasseries qui ont existé, doses de Les brasseries historiques, là, puis tout ça. Oui, on voit beaucoup de brasseries du Québec. Ils nous parlent un peu, bien sûr, de l'histoire de Molson, de Labatt, de O'Keeffe. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire en même temps que la bière, l'histoire genre du Québec. Genre de livre que j'aimerais, oui. Oui, ben je pourrais te le passer. Ah oui, peut-être à un moment donné. Puis sinon, j'avais aussi comme référence de bière. Moi, ça a été une de mes portes d'entrée dans la bière. Ça a été, je pense, le 2e ou 3e livre que j'ai lu sur la bière. Je voulais en apprendre beaucoup sur les matières premières, en apprendre sur les dégustations, sur les saveurs, sur comment faire une dégustation. C'est l'Atlas mondial de la bière de Mario Dar. Donc, Mario Dar, ça a longtemps été au Québec, fin des années 80 jusqu'à 2000, début 2000. Ça a été l'unique référence en littérature brassicole francophone au Québec. C'est un gars qui a voyagé beaucoup. C'est un gars qui connaît beaucoup la bière. Il a formé l'école M Bière aussi, qui forme des juges pour les concours du Mondial de la bière qui sont à Rio. Chaque année, Oui. Fait que lui, là-dedans, il nous parle vraiment, il part du début avec les grandes traditions dans les pays, d'où que ça vient l'histoire de la bière, quelles céréales on utilise, quel houblon, comment ça s'est bâti la culture de la bière dans le monde. C'est quand même un bon condensé pour toute l'information qu'il y a là, parce que je pense qu'on a un livre de 250 pages, puis t'as lu ça, puis... Tu t'y connais un peu, là. Tu t'y connais pas mal, ouais, même, ça, en fait, hein? En bière. C'est vraiment, vraiment... le nom, il est pas modeste, là. Tu sais, l'Atlas mondial de la bière, c'est comme... Tu fais pas... Il y a des trucs plus rares, c'est sûr qu'il parle pas de tout, mais c'est vraiment intéressant. Il va parler des grands classiques de chaque pays, genre. Grands classiques de chaque pays, il parle de la fabrication de bière, donc tu peux en apprendre sur le processus. Oui, parce qu'au look, quand on regarde, il a l'air d'être plus juste être un genre d'annuaire de toutes les sortes de bières, mais c'est pas le cas, c'est ça et plus. Oui, c'est beaucoup plus, là. Si on regarde un petit peu, là, au début, il commence avec justement l'histoire. Il parle de l'évolution du goût. Là. Pourquoi que l'amertume n'est pas quelque chose de facile pour la majorité d'entre nous? Ben, ça remontrerait à l'époque où les hommes étaient chasseurs puis les femmes allaient cueillir les herbes. Puis la majorité des herbes qui sont amères sont aussi poisons. Hein, exactement. Donc, c'est des... Dans le cerveau, c'est comme associé, là, le côté ou le côté plus bon, là, tu sais, le côté surette, des fois, peut faire comme ça a passé date, là. Ouais, tu sais, par rapport dans le cerveau, je parle, là, pour nos... avec notre historique, justement, ancestral, là, de chasseurs-cueilleurs, c'était comme, ouais. Oh, c'est plus bon, là, si c'est surette ou... Si c'est amer, genre. Exactement. C'est un peu l'histoire du goût, dans le fond, qui commence avec ça. Tu as un chapitre, les origines du goût. Mais il te parle aussi d'où viennent les saveurs dans chaque matière première. OK. Donc, ça, c'est avec quoi tu obtiens tel goût, mettons, avec un petit goût sucré, ça va être avec tel grain ou avec tel houblon. Oui, c'est exactement c'est ça. Puis, donc, il fait le tour des matières premières, des méthodes de fabrication, des grandes traditions. Il nous parle un petit peu comment, si tu veux avoir un cellier, si tu veux entreposer ta bière, comment tu... Comment commencer un peu, ouais, là? Comment commencer par ça. Puis ça a été le gars qui a influencé beaucoup toute la vague de sommeliers en bière qui voit le jour aujourd'hui au Québec. C'est la référence, le monsieur. Ça a été la référence, puis ça l'est encore. Là. On le voit dans tous les festivals de bière organiser des dégustations. Il est impliqué dans tout. Il est super. Tu sais, pour un sommelier en bière, très sollicité des fois par d'autres brasseries pour avoir pour être associé à eux autres et tout, et toujours rester impartial, toujours rester très bien vu par les connaisseurs de la bière. Donc, des fois, des envolées lyriques. C'est le monsieur qu'on voit dans les émissions « Ça va brasser ». Okay. À la fin de chaque émission, il y a une dégustation avec les brasseurs et les chefs des restaurants et microbrasseries. Puis on voit un monsieur qui nous explique en quoi il y a un accord entre la bière et le repos. C'est ce monsieur-là. Oui, c'est un expert aussi dans les accords bière et fromage, dans les accords de bière et mets en général. J'ai faim. Ouais. Il donne faim aussi à l'entendre parler. Sûrement. Surtout à cette heure-là, en plus. Les gens qui nous écoutent aussi, sûrement, ils ont faim juste à t'écouter en ce moment. Bon, ben, rendez-vous, faites un petit détour. Allez donc manger une petite bouchée au temps d'une pinte. Oui, absolument. Passez nous voir cet après-midi. Exactement. L'Atlas mondial de la bière de Mario Dare. Donc, j'ai parlé aussi de l'histoire de la bière au Québec de Sylvain Degnaud. Est-ce que ça serait possible qu'on les mette sur le Facebook de C'est fou en référence? Tout à fait, on va les mettre en référence. Juste pour le fun, autour de combien ça se détaille, ces livres-là? L'histoire de la bière au Québec était quand même assez accessible, si je me rappelle bien. Je pense qu'on parlait de quoi, comme 25 $? 25 $. Entre 20 et 30 $. Celui-là, ils l'ont, la plupart du temps, ils l'ont stock. L'Atlas mondial de la bière. Plus rare un peu. On l'a attendu un petit peu, mais je pense que maintenant, il est quand même accessible. Celui-là, vous voyez, 34,95. C'est bien, c'est correct. C'est très bien parce que c'est pas mal ce qui s'est fait, à part un autre livre que je vais vous parler bientôt, qui est sorti dernièrement. C'est un des livres les plus complets dans la littérature francophone de la bière. L'édition, c'est très carré, si je vois bien, c'est ça? Oui, très carré, québécois. Donc, peut-être aller voir sur Internet. Mais oui, on va mettre des petites images, on va mettre les liens, on les mettra cet après-midi, là, dès que l'émission termine. Excellent. Puis sinon, un livre, ça a été vraiment le premier livre que j'ai lu sur la bière au Québec. C'est vraiment, quand on parle de belles images tantôt, il y a des belles photos, c'est pas un livre trop détaillé sur sur la matière première, sur la fabrication. C'est pas de la grande science, mais c'est une super de belle porte d'entrée pour connaître les pubs du Québec puis pour connaître la dégustation. Ça te donne le goût de prendre ton char. Absolument. D'aller te promener à travers le Québec. C'est ce que je comprends juste à voir avec le titre aussi, La Route. Oui, La Route des Grands Crus de la bière, Québec et Nouvelle-Angleterre. Ça a été ça a été un peu ce qui a mis sur la map les coureurs des bois. Les coureurs des bois sont des sommeliers en bière du nom de Martin Thibault et David Lévesque-Gendron qui ont voyagé maintenant à travers le monde. Ils ont été influencés beaucoup par plusieurs sommeliers en bière comme Mario Dare ou comme Michael Jackson aux États-Unis ou bien... Il y en a plusieurs autres un petit peu partout dans le monde. Eux, ils sont en train de gagner des prix avec leurs livres pour la meilleure littérature sur la bière au monde ou la meilleure littérature, le meilleur livre gourmet, mettons, au monde. Dans le fond, c'est tout ce qu'il y a aussi autour de la bière, eux autres. Là. C'est pas juste, justement, comme tu dis, le produit. C'est la place, c'est le contexte, etc. Là. Oui, c'est des tripeux. Là. Ils passent leur vie à faire ça. Mais en même Belle vie, quand même. C'est pas si pire. Hein? Ben, ils ont d'autres jobs en même temps, mais de plus en plus, ils sont pris à temps plein là-dedans. Je pense que Martin Thibault fait des chroniques pour le Journal de Montréal. Okay. Il donne des cours à Cité collégiale à Gatineau. Ça, c'est les cours, pour ceux qui seraient intéressés par la sommellerie de la bière, c'est le nouveau cours qui vient de naître à Cité collégiale, qui est un cours assez intense. Je pense que ça dure de quoi comme presque un an et demi. OK, c'est tout un cours, là. Oui, absolument. C'est à raison de 2 jours semaine, mais 2 jours en complet. En ligne, OK. Oui. Donc, la belle photo qu'on voit sur le dessus de la route des Grands Crus de la bière, c'est l'éléphant que je vous avais déjà parlé quand on parlait de Session L. Ça se trouve être au pub La Mer à Boire à Montréal. Pour eux autres, je pense que ça a été un coup de cœur. On voit de la bière en casque ici. Puis l'éléphant, c'est la petite bière à 3,8%, très savoureuse. Ils ont des projets, ils sortent souvent de nouvelles recettes. Là, je pense qu'ils sont rendus de quoi, comme à l'éléphant 12 ou 13. OK. OK. C'est ce bel éléphant qu'ils ont sur leur comptoir. Dans ce livre-là, on a les rudiments de la dégustation. Okay, comment s'organiser une dégustation à maison. Avec des chums et tout ça. Là. Que ça soit convivial ou si vous voulez faire une dégustation plus sérieuse. Ouais. Comme tu me disais que tu en as une Hibernus, comme on boit présentement chez vous. Une Hibernus des années. Un Magnum, genre. Là. Quelle année à peu près? Ben, ça doit être. On est en 2012, genre. Sûrement. OK. Ben, un millésime 2012. Là, on est en 2014. Tu pourrais essayer de trouver quelqu'un qui en a une depuis 2013. Les garder encore un an, puis dans un an, faire une dégustation de 4 Hibernus. Oh, ça, on appelle ça une dégustation à la verticale. C'est que tu prends la même bière à des millésimes différents, puis tu dénotes, tu pars de la plus jeune vers la plus vieille, puis tu regardes qu'est-ce qui a changé depuis qu'on l'a fait vieillir. Vraiment cool. Les conditions d'entreposage et tout, ça fait varier le produit. On a aussi les dégustations à l'horizontale. Ça serait de prendre 3 bières de Noël, comme l'Hibernus ou 3 bières hivernales avec épices. Tu prends l'Hibernus, par exemple, tu prends notre vin d'orge au temps d'une pinte, le gros marteau, puis tu prends la grivoise de Noël du Trou du Diable. T'es un petit peu moins forte en alcool, mais quand même, ça peut se faire une très belle dégustation à l'horizontale où tu compares les différents styles, les différentes interprétations que les brasseries font de... des bières hivernales. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup, puis ça n'a pas rapport, là, mais oui, à essayer de bière de Noël, c'était vraiment la bière de la série signature des Trois Mousquetaires. Là. La même gang que le Porter Baltic, mais celle qui est rouge. Oui, ils font une bière de Noël, je pense qu'ils l'appellent comme ça. Ouais. Comme il y a un petit côté cerise, il y a un petit côté... Elle est hallucinante, cette bière-là. Je l'embarquerai dans ma petite dégustation avec ça, c'est hallucinant. Ouais. À goûter ce produit-là, là, si vous aimez les bières d'hiver, les bières de Noël, c'est à boire, c'est à goûter. Ouais, c'est super bon ça aussi. Puis on a vraiment des interprétations de bière de Noël très épicées, très sucrées, sucre candy. Puis on a des interprétations comme l'Hibernus ou notre vin d'orge qui tendent plus vers le vin d'orge traditionnel ou une bière brune, une genre d'impérial brown ale avec épices. Là. Ça, c'est excellent. C'est toujours gagnant. Non, mais pour vrai, quand on est ensemble avec l'hiver, avec la neige, c'est tellement... C'est ce qu'il y a à boire. Fait que là, vas-tu être capable de résister à ouvrir ta grosse bouteille après avoir bu cet échantillon de 750 millilitres? Sûrement, mais j'ai failli l'ouvrir cette semaine parce que justement, j'étais avec ma blonde et on n'avait rien. Tu sais, d'habitude, il y a toujours quelque chose qui traîne dans la maison à boire. Pour vrai, il y a tout le temps quelque chose chez nous. Puis là, il y en avait quelque chose, mais on est tombé sur... On a dit, on n'est pas pour se boire ça. Juste les deux à soir comme ça. C'est quoi, c'est 2 litres, 2-3 litres? C'est une au moins... Ben, ça doit être 2 ou 3 fois une 750, là. Ah, OK, ouais. C'est quand même un bon... c'est une bonne grosse bouteille. Elle est hallucinante, pour vrai. Elle est belle, puis elle est comme ça, sauf en méga format. Des éditions souvenirs qui feraient des super de beaux cadeaux aussi, comme ça, pour Noël. Les 750 millilitres, qui sont les produits de spécialité de la microbrasserie Charlevoix, comme l'Hibernus, la Lupulus, et puis la... c'est quel l'autre? Je l'oublie tout le temps. Je ne sais plus. Bon, parce que moi, sérieusement, c'est tout le temps l'Hibernus que je pogne. Ouais. C'est tout le temps la orange brûlée. Amène le petit collet orange brûlée. Ouais, tous leurs produits de spécialité comme ça, de la série Dominus Vobiscum, sont super bons. Oui, ils sont vraiment bonnes. Offrir en cadeau ou encore les produits du Trou du Diable, Buteuse Brassin Spécial, Dulcis Succubus. Puis sinon, passez nous voir, nous autres, au pub. On a une bonne bière de Noël qu'on vous a sortie, le gros marteau. Oui, elle vient de sortir là. On l'a branché hier soir. On a une image qui s'en vient. Le gros marteau, c'est une référence à la fonderie Bellefeuille qui était surnommée le gros marteau. Okay. C'était une entreprise qui a duré plus de 100 ans à cheval sur le 19e et 20e siècle ou à Trois-Rivières. C'était une menuiserie et fonderie. Ils étaient où, eux autres, sais-tu, à Trois-Rivières? Sur Bellefeuille, okay. Je pense, à mi-chemin entre Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest. Okay. Dans le coin de là, là. Ouais. On dira pas où, là. dans ce coin-là. Puis, leur enseigne, c'était un gros marteau qui allait jusqu'au-dessus de la rue. Hein. Ça, okay. Vous allez voir, on va reproduire cette image-là pour la bière. Ça devait être phénoménal. Il paraît que le gros marteau est encore au séminaire de Trois-Rivières. OK, il existe toujours. Au musée. Ils l'ont gardé. La ville, ils avaient interdit d'avoir cette enseigne-là. Ils leur avaient fait enlever, mais tout le monde surnommait la place Gros Marteau. Puis ils trouvaient ça beau. Fait qu'il y a eu ils ont fait un genre de pétition. Il y a eu une dérogation. Puis depuis ce temps-là, tu as le droit d'avoir une enseigne qui fait 1 mètre cube. Mais tu peux avoir 1 mètre cube en longueur. Donc depuis ce temps-là, il y a cette loi-là. J'ai hâte de voir si maintenant il y a quelqu'un d'autre qui va refaire pendre de quoi par-dessus la rue. On pourrait peut-être le faire. Ouais, c'est ça. Ce serait à vous de le faire. Essayez de pogner le gros marteau, ça serait génial. Hein? Ouais, vraiment. Donc, s'il y a des gens là, qui sont au conservatoire du musée du séminaire Trois-Rivières, faites donc un beau don à une belle entreprise trifluvienne du temps d'une pinte. Ouais, ça serait bien le fun qu'on ait ça. Ça serait le fun, certain. Le vrai, imagine. Ce qui est le fun aussi dans la route des grands crus de la bière de Martin Thibault et David Lévesque, c'est qu'ils nous proposent, ils nous parlent un peu de ce qu'eux, ils considéraient les grands crus au moment où ils ont fait cette tournée-là. Ils nous parlent de plusieurs brasseries au Québec. Il y a toujours un petit paragraphe. Là. Ils ont fait vraiment le tour. Puis à la fin, ce qu'ils nous proposent, ce qui est vraiment intéressant, c'est des routes. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On a un week-end, on visite quelle microbrasserie? Bien, on peut partir dans le coin de l'Estrie. Puis on peut aller visiter le Bas-Québière à Sherbrooke, le Ciboire. Le Lions Pub à Lennoxville, puis la nouvelle microbrasserie à Quaticook. Bon, ben là, on se fait un petit parcours. Une petite route des bières, là. Ouais, puis ce qui est le fun, moi, j'en ai fait quelques-unes improvisées. Là, j'ai pas pris exactement ouais, les routes. Moi aussi, j'en ai fait quelques-unes improvisées. Les routes qu'ils proposaient, mais ça, c'était tout aussi agréable. Ce qu'on faisait avec ma copine, c'est qu'on arrêtait aussi dans un bed and breakfast. On arrêtait dans les bons bistrots de la ville quand il n'y avait pas de la bouffe dans la microbrasserie. Mm-hmm. Fait que pendant 2-3 ans, mes cadeaux de Noël, cadeaux de fête, moi, c'était pas mal tout le temps un voyage pour aller voir d'autres microbrasseries. Génial. Ouais, c'est pas toutes les microbrasseries qui ont un pub, mais des fois, il y a des bons pubs ou des bons bars à bière ou qui servent la bière en spécialité de la microbrasserie du coin. Mm-hmm. Donc, j'avais fait ça l'année passée avec ma copine aussi. C'était vraiment le fun. On était allé sur l'île d'Orléans. Oui. Puis on avait fait les vignobles, les cidres. Et puis on avait fini ça justement à la micro de Lille. Puis après, le lendemain, on a dormi. On s'est trouvé un champ pour vrai. On a monté notre tente dans le champ sur l'île. Puis le lendemain, on est monté à Baie-Saint-Paul. On est allé justement à micro de celle-là. Là. Comment ça Charlevoix. Il appelle ça sur place, il appelle leur pub, le Saint-Pub. Ouais, c'est ça, le Saint-Pub. Et puis on l'a cherché justement parce qu'on cherchait la microbrasserie. On arrive à l'usine. Là, on a dit, ben là, c'est pas ici qu'on va boire une bière. Les portes étaient fermées, tout ça. Et là, on a jasé avec du monde de la ville. Non, non, c'est ça. Il n'y a rien qui dit que c'est là. Mais quand on est arrivé là, on s'est rendu compte que c'était là parce qu'il y avait tellement de monde. C'était incroyable. Puis c'était vraiment hallucinant. On a passé là 2-3 heures à manger et à boire que de la qualité. C'était le fun. Ouais, Charlevoix, en plus, ce qui est fun, c'est que quand on va au Saint-Pub, il y a quelques bières qui sortent pas du pub, qui sont destinées juste pour le pub. On a un petit peu comme font le trou du diable aussi. On a aussi dans ce coin-là, si tu retournes un jour faire la route, il y a la micro de l'île d'Orléans, il y a la micro de Charlevoix. Puis entre les deux, depuis environ 2 ans, il y a la micro de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ah ben gars, j'aurais pu aller là, l'avoir su. Direct dans le chemin. Mais c'est spécial parce que au moment que tu es en train de rouler 120, puis que tu passes à Sainte-Anne, puis que tu regardes à gauche pour voir l'église, qui est la seule chose voir entre les deux, ben tu viens de manquer à droite un espèce de petit pub. On a arrêté en plus à l'église, on riait, on a fait des photos. Là, il y a le, je sais pas, le Jésus-Orama ou je sais pas quoi. Là, il y a plein d'affaires de Jésus hallucinantes. Mais avoir su, on serait arrêté, c'est sûr. Parce que c'était le but d'aller se promener puis faire des micros comme ça. Puis sinon, toi, vers où t'es allé quand t'en as fait? Ben, y a cette route-là que tu viens de proposer que j'ai adorée. Il y a une route que j'ai faite avant de triper sur la bière puis je regrette vraiment de pas... j'ai hâte de la refaire, disons. C'est toute la route pour se rendre en Gaspésie, donc le Bas-Saint-Laurent. Puis il y a de plus en plus de brasseries, de bonnes brasseries dans ce coin-là. Il y a Bellechasse dernièrement dans le sud de Lévis qui est une nouvelle brasserie. Il y a la tête d'allumette à Kamouraska, que j'entends des bons commentaires. Après ça, on a Pit Caribou, le Naufrageur, toute la Captive. Donc, il y a plusieurs brasseries dans ce coin-là qui valent la peine. Quand ouais, j'avoue fait... que le Naufrageur, faut-tu te rendre sur l'île, par exemple? Ouais, c'est... c'est un autre voyage. Hey, ça coûte plus cher aller sur l'île de la Madeleine. Non, ça, c'est l'abri de la tempête. Ah, c'est ça. Okay, ouais. Excuse, je me suis trompé. Mais les autres, c'est trop hallucinant ce qu'ils font aussi comme produit. Ouais, c'est absolument. Bon, c'est complètement hors du commun. Puis ouais. Sinon, ça c'est si vous voulez vous payer un voyage luxe, là. C'est parce qu'aller sur l'île aux îles de la Madeleine, ça coûte plus cher qu'un tout inclus, genre, ouais. Pour vrai, là, oui, dans oui, le sud. Oui, c'est ça. Tu sais, parce que l'avion, déjà, coûte plus cher que se rendre à Cuba ou en même temps. Ben, moi, les petites routes que j'ai faites, des non, fois, on partait ça. Pendant pas loin de 2-3-4 jours, des fois, jusqu'à une semaine, puis ça nous coûtait pas aussi cher qu'un voyage dans le sud. Personnellement, je préfère beaucoup plus voyager dans le coin, oh, puis oui, découvrir juste... ce qui se passe. L'autre, c'est parce que je disais juste que c'est particulier, parce que j'avais de la famille sur les îles de la Madeleine, puis c'est comme si plus compliqué d'aller visiter qu'aller visiter du monde en Floride. Là, ouais, c'est à côté, c'était juste un petit bémol comme ça. Mais tout à fait, c'est ça, on n'est pas obligé de payer non plus. Puis si vous n'avez pas le temps, vous pouvez monter par ici, la Mauricie aussi, on peut aller faire le Trou ben, du Diable. C'est là je voulais en venir. Il y a l'affût, puis tout ça. On là. A une super de belle route des bières en Mauricie. Il y a plein d'activités connexes aussi qui peuvent se joindre à ça. Si, par exemple, à Trois-Rivières, on est rendu avec le temps d'une pinte, le Gambrinus, les Frères Blonds en bouteille, on les retrouve dans quelques pubs. Mm-hmm. Puis sinon, en montant vers Chaoui, ben, on est rendu avec trois microbrasseries dans ce coin-là. Il y a le Broadway Pub, il y a le Trou du Diable, qui est un incontournable. Il y a à l'affût qu'il faut absolument passer mm-hmm. là aussi. La à bouffe est bonne à l'affût aussi, c'est... Le quoi, le fish and chip, là, comment ils l'appellent? Trout and chip. Quelque chose du genre, est vraiment très bon. Là. C'est un ouais, classique. Leur concept est complètement éclaté au gars de l'affût, il faut aller les voir. Puis y a, pour les amateurs de bière sans gluten ou ceux qui veulent voir en économiser et en apprendre sur la fabrication de la bière, on a la Nouvelle-France à Saint-Alexis-des-Monts. Puis, ben moi, la Nouvelle-France à Saint-Alexis-des-Monts, je l'intégrais plus dans ma route de bière vers la Naudière. C'est ce que je m'en allais dire aussi. Tu vas voir l'Albion à Joliette, l'Alchimiste, il y a le Balthazar qui est un bon bar à bière. Okay. Ensuite, anciennement, il y avait Hopfenstark qui fait seulement des événements à son usine à l'Assomption. Okay. Mais qui avait un beau salon de dégustation là. Il est rendu à Montréal, c'est rue Ontario, avec un beau bar d'ailleurs, la Station Host. Puis sinon, juste Montréal, c'est toute une place à visiter si vous voulez voir les nouvelles brasseries. Il y en a une puis une autre là, présentement. Puis sinon, une place qu'on voit tout le temps, que oui, c'est pas, tu sais, c'est vraiment le party, c'est pas le micro, mais c'est le vice-versa, où ce que tu peux aller oui. goûter à peu près toutes les sortes de bières du Québec à la même endroit. Là. Oui, oui. Ils ont beaucoup de choix. Là, le c'est... vice-versa à Montréal, moi, mes coups de cœur à Montréal, je dirais, c'est justement le vice-versa. Mm-hmm. Il y aurait la station host que j'aime bien. Le Dieu du ciel. Il y a Dieu du ciel. Sérieux, moi, c'est sûr. Là. Il y a moi, j'aime moins l'ambiance au Dieu du ciel. Non. J'aime leur bière, mais j'aime moins la place. Mais sinon, il y a le Cheval Blanc. Okay, la oui. Cheval Blanc, on l'a oublié, c'est le premier brewpub au Québec. Mais ben, on l'a oublié, ils sont tout le temps plein pareil. C'est mais pour les gens qui découvrent la bière aujourd'hui, on pense pas à ça, on associe ça tout de suite à la bière la Cheval Blanc. Leur bière au pub, là, c'est des incontournables. Des lagers tchèques, ils nous sortent n'importe quoi. C'est un site, là, c'est débile. Là. J'ai eu la chance d'y aller l'autre fois, parler un petit peu avec le brasseur. Puis ils sont... ils savent ce qu'ils font. Absolument. C'est un très beau projet aussi, le Cheval Blanc. Il y a dernièrement que j'ai entendu parler, qu'il faudrait que j'aille voir, c'est l'Île de Garde, qui font brasser leur bière par Jean-Philippe au Loup Rouge, qui était avec nous la semaine dernière. Oui, oui, oui. Mais c'est un pub où ils commencent à te servir la même bière à des températures puis avec des niveaux de carbonatation différents. Donc, on s'en va vraiment dans... dégustation précise. Précision, un verre pour chaque bière, comme tout le monde aurait eu envie de faire, ben eux autres commencent à se lancer okay. là-dedans. Il y a l'Eto Brasserie aussi qui sont dans le même style. Il y a des pubs dans l'Ouest qu'on oublie. Il y a le Brutopia sur okay. Crescent Street, je pense. Pas ceux-là. C'est des vieux pubs qui existent à Montréal depuis longtemps. Il y a toujours un ou deux produits qui sont très intéressants à découvrir dans les microbrasseries à Montréal. Sur Saint-Bernard, il y a le Helm. Le Helm, notre cuisine a été un petit peu inspirée. Le concept, là, la vie. Ouais. Tu te commandes un tartare chez nous, ça sort à peu près aussi vite qu'une bière. Ben, c'est à peu près la même affaire au Helm. Tu te commandes un gravlax de saumon, tu te commandes une chaudrue de fruits de mer, puis ça t'arrive aussi rapidement. C'est parfait pour les 5 à 7. Puis en même temps, c'est de la qualité, tu sais, on sort du nachos. Oui, tout à fait. Fait que... Sinon, on a... comment la gang à Saint... Ben, ça, pas à Montréal, mais Saint-Hyacinthe, là, ils font de la super bonne bière. Oui, aussi. Saint-Hyacinthe, il y a le Bilboquet qui est à voir, qui ont un bon pub depuis longtemps. Et puis, il y a les Brasseurs du Monde qui ont un petit salon de dégustation dans le quartier industriel. Dans leur salon de dégustation, les Brasseurs du Monde, ils ont des produits de spécialité qui peuvent être intéressants aussi des fois. Puis, autre région qui peut se faire. Moi, j'étais parti de m'amener dans le coin de Gatineau. Ouais. Puis, il y a les Brasseurs du Temps, qui sont un incontournable. Ouais, tout à fait. Il y a le nouveau bistrot Gainsbourg qui ont commencé à brasser leur bière. Puis sinon, il y a la ville de Québec aussi qu'on n'a pas parlé. Qui a beaucoup sinon, même au lac Saint-Jean, si vous avez du temps, ben il y a une coupe de bonnes quand même au lac Saint-Jean, non? Oui, oui, ben c'est oui, vrai, c'est on n'a pas parlé du lac. Le lac, oui. Je trouve qu'il y a quand même une coupe de... Je pense qu'ils sont rendus à 8 ou 9 brasseries. C'est ça, il y en a une coupe, puis il y en a qui sont vraiment, là, qui produisent de tout, de A à Z, là, leur houblon, leur céréale, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, je pense. C'est la Choupichouane ou quelque chose. La Schwab, là. Oui, la Schwab, eux autres, c'est une ferme brasserie, c'est trippant. Leur concept est intéressant. La Schwab, la Choupichouane, c'est le nom de la rivière, genre. Ah, OK, la Choupichouane. Oui, c'est la Choupichouane, quelque chose du genre, c'est le nom de la rivière, puis qui sont à côté. Okay. La Schwab, la micro du lac. Moi, ça, c'est mon coup de cœur au lac Saint-Jean. Sinon, il y a la voie Malteux qui est un petit peu les mêmes concepts qu'on veut, si on veut, que l'Archibald. Il y a la tour à bière. Il y a la gueule de bois plus dans le nord. Puis là, dernièrement, un beau projet qui est né, il faut que j'aille voir ça, c'est Opéra. OK. Opéra, c'est comme hop pour houblon. C'est Vladimir, je pense, Antonov, qui russe. Je sais pas si c'est un russe. C'est un gars qui écrit souvent dans Bière et Plaisir. OK. Puis il a démarré, il y a une microbrasserie là-bas, mais avec des pizzas aussi. Il y a comme un four à pizza de qualité. OK. Puis c'est un projet qu'on avait vu quelques-uns aux États-Unis commencer à faire ça. Ça redonne ses lettres de noblesse et à la bière et à la pizza. faut que je passe là. Ben là, oui, c'est clair. Hey, mais tantôt, je reviens à ce que tu disais côté suggestion cadeau. J'ai tellement trouvé que c'était une bonne idée. Tu sais, des fois, on n'a pas nécessairement de cash, mais si on se prend vraiment d'avance d'acheter quelques bières puis les donner l'autre année d'après à du monde, c'est vraiment... tu m'as fait allumer. Tu sais, tu achètes une bière qui va être à 15$, mettons, dans une place de bière, ou 15-20$, un 750. Mais tu sais, ça devient un cadeau qui en vaut 50-60, là, si tu le laisses vieillir, puis tu y fais attention, ça ferait une super belle suggestion de cadeau, je trouve. Quelle bonne idée, oui, vraiment. C'est une belle valeur ajoutée. Donc, pour vous reparler des lectures qui sont à faire, l'Atlas mondial de la bière de Mario Dare, pour en apprendre davantage sur la bière dans toutes ses facettes. Exactement. L'histoire de la bière au Québec de Sylvain Daigneau, pour ceux qui veulent vraiment avoir une petite tranche historique. Puis la route des grands culs de la bière pour les pubs les à visiter. Tripeux, les voyageux. Sinon, pour moi, pour Noël, je vais lire notre brasseur m'a remis les Wild Brews quand on parlait des Sour Ale, bières sûres. Donc, c'est Beer Beyond the Influence of Brewer's Yeast, la bière au-delà des influences de la levure. Puis c'est Jeff Sparrow. On a toute la culture des bières sûres de la Belgique là-dedans. Puis c'est plus scientifique, mais moi, je me lance là-dedans. Ben, mais ça, c'est parfait pour toi. Ben, il y en a qui brassent à la maison de plus en plus. Mm-hmm. Là, ça peut être une très bonne lecture pour eux autres, Wild Brews. Puis sinon, une dernière suggestion qui est comme un petit peu devenue la sommité sur la bière. On parlait des Coureurs des Bois. Ils ont sorti l'an dernier les saveurs gastronomiques de la bière. OK. Donc, l'idée générale, c'est de présenter la bière au-delà des styles comme une recette de gastronomie. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans une bière? Si on voit ici la Hibernus, il n'est pas écrit de style. Mm-hmm. Il n'est pas écrit bière de Noël. Il est juste écrit bière forte, bière extra forte brassée avec épices. Exact. Donc, ce qu'il voulait atteindre, c'était des saveurs. Puis ils voulaient pas nous dire le style ou quoi que ce soit. C'était une recette, leur recette à eux. C'est une Hibernus. Exactement. C'est la Hibernus. Puis on a atteint des saveurs, une bière avec des maltes caramélisées, des maltes biscuits, puis des épices. Puis c'est réussi. C'est excellent. Hey, sinon, Alex, à soir, 5 à 7, qu'est-ce qui se passe au temps d'une pinte? On perce un casque du loup rouge de Fantienne. Puis sinon, c'est ça. Venez nous voir. Il va y avoir du monde en masse, comme d'habitude. Oui, très, très belle soirée. J'ai passé un bon moment que je me rappelle. Hey, merci beaucoup, Alex Dorval. Merci à toi, Danny. Est-ce qu'on se reparle jeudi? Oui, jeudi prochain pour une dernière émission avant le temps des fêtes. Excellent. Donc, rendez-vous au temps d'une pinte.